front run. J'suis dans un autre univers, c'est pas de ma frère que j'compte lâcher le MC. Même si mes rimes sont pas de qualité, j'aurais au moins eu mérite d'essayer. La tête dans mon tête, je cherche le bon aspin. Rime introuvable qui s'écoulera du bout de ma plume pour sortir cette misère, pour oublier cette galère. C'est les poumons carbonisés que j'pose ma voix sur ce beat. C'est les veines pleines de haine que j'emmerde la politique. Le 2009, faut que j'agisse, massagisse, il faut que j'arrête le massacre et que j'm'adapte à cette putain de vie trop banale. Faut que j'enchaîne les couplets comme Miran, j'suis dopé. Comme Julien, j'reste courbé. Comme Sarko, j'suis drogué, j'représente emblématique, ça c'est du lourd, du sur-mesure. Même quand t'écoutes, ça te fait la trick, trick, trick. Moi je te tire, comme on parle pas, on s'en fait mal. Comme si tu te manges, j'ai la putain de coup de patte. Y'a pas de critères dans mon clan, les valeurs sûres, c'est mon gang. Au cœur du riz, c'est le thème emblématique. Pas de problème, 2009, la mixtape. On vous y emmène en direct. Le nouveau mode chez vous, les valeurs sûres, un son qui bat l'air pur. Une équipe qui tient choc, ouais. Personne en arrive à bout. Face à nous, plus de rivalité. Tout le monde séparé, accueille les valeurs sûres. Personne en arrive à bout. Un nouveau mode chez vous, les valeurs sûres, un son qui bat l'air pur. Une équipe qui tient choc. Personne en arrive à bout. Face à nous, plus de rivalité. Tout le monde séparé, accueille les valeurs sûres. Personne en arrive à bout. Pétez les watts, casse que le gaffe débarque. Monte le volume du boss, c'est toi qui bat, mec mental. La zik, mon évasion, l'écriture c'est ma raison. Je répète encore une fois, monte le volume à fond, papa. Je pose ma voix, c'est le premier script de l'astice, trop d'arda. Je me présente, moi c'est la bite, personne n'en arrive à bout, ça c'est le titre. Rien que je m'enregistre, j'ai que j'y vais, qui fait que tout suivi. L'âme tranchante, rien qu'on chante, tu déchantes. Tes ancêtres sont morts, faut que tu les changes. La son lourd qui vient du 6-1 et du 28. Représente, représente, avec un putain de beat. J'enchaîne, je fais gain, un problème, rien que tu m'écoutes, t'as trop la haine. Une lac, c'est la bille pour l'asti. Les valeurs sûres, bientôt de sortie. Emblématique, emblématique, record. Si c'est le son qui va mettre tout le monde d'accord. Un nouveau mode chez vous, les valeurs sûres, un son qui bat l'air pur. Une équipe qui tient le choc, ouais. Personne en arrive à bout. Face à nous, plus de rivalité. Tout le monde s'est barré, accueille les valeurs sûres. Personne en arrive à bout. Un nouveau mode chez vous, les valeurs sûres, un son qui bat l'air pur. Une équipe qui tient le choc. Personne en arrive à bout. Face à nous, plus de rivalité. Tout le monde s'est barré, accueille les valeurs sûres. Personne en arrive à bout. Personne en arrive à bout, mon rap est tout sans tabou. Je t'inviterai même en babouche. Les valeurs sûres, un nouveau mode chez vous. À ceux qui viennent chez nous, premier morceau, faites attention. Ha, c'est le débutage de coup, c'est l'entraînement avant le vrai combat. Comme si t'opposais Mister Chifasa à Rocky Balboa. Je viens de donner la fréquence, retourner les tendances, mettre notre rap en valeur et écarter le cul de la France. Un nouveau mode chez vous, les valeurs sûres, un son qui bat l'air pur. Une équipe qui tient choc, ouais. Personne en arrive à bout. Face à nous, plus de rivalité. Tout le monde s'est barré, accueille les valeurs sûres. Personne en arrive à bout. Un nouveau mode chez vous, les valeurs sûres, un son qui bat l'air pur. Une équipe qui tient choc. Personne en arrive à bout. Face à nous, plus de rivalité. Tout le monde s'est barré, accueille les valeurs sûres. Personne en arrive à bout. Les valeurs sûres, c'est tellement attitude. Ça te met le bide en 5, car chez nos potos, on se reproduit comme 5. On reste vrai pour persister le trauma, le coma, ça commate. Quand t'es haché, t'attaques, mais va leur dire qu'on aborde juste à une contre-attaque en 6-14. Ça joue plus à 11, la victoire, on veut l'aborder, la porter sur nos dos. On m'a dit que les épreuves donnaient des coups, donc je me force à me renforcer les côtes.